éléments. Pouh, eh ben tenaille. Ouais, cette semaine, dis donc. Eh, on n'en peut plus. Hein. Ah ouais. On était là, on s'est vu lundi. Ouais. Et on est déjà vendredi. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on s'est vu tous les jours. Bah ouais, j'ai l'impression aussi. Hein. C'est fou, hein. Ouais, je me demande si c'est qu'une impression d'ailleurs. Et du coup, on en est déjà quand même à la 15e. La 15e ? 15e capsule. Ah ouais ? Ah, j'allais dire 16e. C'est parce qu'en fait, j'ai des moyens mémotechniques. Parce que comme on fait par 5, et ben, la première c'était 1. Bah oui. Et du coup, la dernière c'est 15. La dernière de la semaine, on peut pas être à 16 ou n'importe quoi. T'as vu ? Bah ouais. Par contre, là, ça va, mais quand la prochaine fournée qu'on aura, ça sera 16, 17, ça sera plus compliqué. Oui, le premier. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, on va parler d'un groupe qui, lui aussi, est venu souvent au Hellfest. En 2012, en 2014, en 2016, en 2018. Ah ouais? Ouais, non, mais ça, c'est... Eux aussi, ils ont les clés. Bah, ils ont pas les mêmes, mais ouais, ils sont venus. Et c'est un groupe que j'ai déjà aussi vu plusieurs fois, mais pas sur les mêmes scènes. Ah d'accord. Oh bon? Ouais. Et ça, c'est rigolo. Ah ouais? Ouais. Alors j'imagine sur la Warzone. Oui. Et l'autre, je dirais Main Stage. Bah de mémoire, ouais. Ah ouais. Ouais. Okay. Mais je vais aller vérifier ça tout de suite. Bah ouais. Du coup, on lance un petit générique. Ouais, bah, vas-y. Le temps que tu vérifies tout de suite. Ouais. OK, ça marche. Je le lance comme ça. Ouais. Pas d'impro, pas de blague. Ah d'accord. Oui, non, ne parle pas sur la musique. Non, mais là, je veux dire, toi tu t'as pas un petit truc que tu fais genre des je sais pas. Des castagnettes. Ah ou... merde, fallait me le dire, j'en ai pas. Bon, oh là là, la carte est attends, restant. Eh, c'est un espace restant. Ah merde. Cette table de mixage va s'autodétruire. Ah ouais, elle me dit qu'il reste que 15 minutes. La vraie question, c'est est-ce qu'on le tente ou pas? 15 minutes d'enregistrage? Ouais. Ah, parce que t'as une carte mémoire là-dessus pour enregistrage tes trucs. Ouais. Eh ben, on le tente. Allez, vas-y, tente-le. C'est parti, go. Tout de suite, le générique. Blablabla. Il va passer vite, putain de générique. Et donc, on va vous parler d'un de Turbo... Bah, c'est vrai que du coup, c'est le générique, mais après, il faut que je lance l'extrait. Ah, c'est toujours le même problème. Bah oui, tu l'as déjà lancé l'extrait. Bah, non. Ah bah si, tout de suite, non? Non, c'est pas la même chose. Parce que du coup, là, comme je l'ai plus ou moins dit, mais on va vous parler de qui? Bah, de Turbo Negro. Et oui, Turbo Negro, qui est un groupe norvégien de punk rock originaire de Nesodden à Oslo. Il mélange du heavy metal, du rock, du punk, un mélange qu'il nomme Death Punk. Et un groupe qui est aussi même très dans le punk, dans le sens où ils font la bagarre, ils ont plein d'histoires. Mais justement, toi, Tonight, tu m'as dit que tu avais fait un peu de recherche et que tu voulais nous en parler. Oui. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire du groupe? Ce que je peux te dire, c'est que tu sais que Turbo Negro... Oui. Eh ben, ils avaient hésité entre deux noms au début. Turbo Negro. Ouh. Et d'après toi, non, tu vas peut-être pas le deviner. Non. Sauf que si, la dernière fois, j'ai fourché, je l'ai dit l'autre jour. Non, c'est pas grave, redis-le nous. Nazi pénis. Eh ben, parce que oui, forcément, quand Tona il cherche une info, il va chercher, oh, bah, Turbo Negro ou Nazi pénis, c'est ça qui me fait rigoler. Non, c'est celle que j'ai retenue, parce que je... T'as pas, genre, ils sont formés en quelle année? Je m'ai pas retenu ça. 88! Toujours plus loin, toujours ouais, plus haut, toujours jusqu'au plus bout haut. De l'extrême limite. Oh, dis donc. Alors, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire sur le groupe si j'avais bossé, mais du coup, comme je l'ai pas bien fait, eh ben, je vais dire juste qu'il y a eu beaucoup de membres qu'on fait partie du groupe. Qui... Ah, si, je me rappelle, oui, il y a eu beaucoup de mouvements. Ouais, il y a eu pas mal de mouvements. La liste des membres est énorme, et la particularité du groupe, déjà, c'est qu'ils sont un petit peu, ben, ça aussi, tu vas pouvoir le dire, ils ont tendance un petit peu à se déguiser, à se grimer, que ça soit via des maquillages ou via des costumes, ils ont un peu tous une espèce de look particulier, t'as une espèce de marin, chanteur il a toujours une espèce de peinture sur le visage au niveau de l'œil. D'ailleurs l'ancien chanteur le plus charismatique, à savoir Hank, qui est devenu après par la suite Hank From Hell, qui a eu sa petite carrière solo, d'accord, qu'on a vu aussi au Hellfest à l'époque, mais qui est malheureusement mort en 2021. D'accord. Mais il avait déjà quitté le groupe. Hein. Lui, il avait les deux yeux qui étaient un peu maquillés. Mm-hmm. Donc, ils ont tous un petit peu leur look, une espèce de truc un peu grotesque, d'accord, un petit Ils ont choisi un style un petit peu décalé, quoi. Voilà, un petit peu décalé, un petit peu amusant, parce que t'as un peu l'impression que c'est du vrai punk, mais un peu quand même avec une forme de festivité derrière. Ah oui. C'est-à-dire que quand t'écoutes Turbo Negro, t'arrives à sentir que, oh bah putain, ça va être la grosse jaja, ça va être la grosse bagarre partout, et c'est un peu souvent effectivement le cas, parce que moi, donc, je te disais, je les ai vus deux fois en live, alors j'essaye de retrouver où est-ce que je les ai vus, parce que pour moi... Tu les as vus deux fois, toi, déjà ? Je les ai vus deux fois, ouais. Une fois en Warzone, c'est sûr, mm-hmm. et de mémoire, pour moi, c'était une fois en Main Stage ou Main Stage 2. Ah, tu voulais les revoir, quand même. Ouais, bah, parce que j'avais passé vraiment un bon moment, on avait, beaucoup déliré. Mais peut-être que je me fourvoie et que je les ai vus deux fois en Warzone, hein, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Donc j'essaye de regarder, donc ça serait bien que tu aies d'autres histoires. Tu n'as pas dit, toi, qu'à un moment donné, si, justement, là, parce que là, tu parles d'un style qu'ils ont choisi. Oui. Moi, je me rappelle que j'ai lu que pendant un moment, ils avaient choisi un style un petit peu, j'imagine, décalé, provocateur, parce qu'ils étaient genre tout de noir peint sur le visage, avec des petits chapeaux. Donc ils avaient choisi ce style-là pendant un laps de temps, mais ça a pas duré apparemment parce que ça a pas trop plu aux fans, crois. Oui, parce que en parlant de fans, toi tu me disais justement avant qu'on enregistre. Ouais, qu'il y a un gros fan club qui s'appelle Turbo. Alors c'est en allemand, je sais plus trop, mais ça veut dire jeunesse Turbo. Ouais. Et apparemment c'est un gros fan club qui se réunit tous les ans. Ouais. pour sûrement à une date que font Turbo Negro tous les ans, et ils font une réunion par an, et ils se réunissent, et ça doit être la bagarre, j'imagine. Bah ouais, je pense qu'il y a complètement des Turbo. Ouais, après ça doit être en norvégien, alors Turbo Nesguns. j'ai peut-être vraiment dû les voir deux fois en Warzone, j'étais quasiment persuadé. Non, je crois que je les ai vus en main stage, moi. Mais ça peut être étonnant quand même en main stage, non? Bah oui, mais pas... Tu sais, faut pas rester... Ça dépend de l'heure. Ah non, en 2018, ils étaient en Warzone. Ah, tu les as vus deux fois en Warzone. Je les ai vus... Ou alors c'était... Mais après, c'est la mémoire, tout ça. L'âge aussi, tu l'as dit l'autre jour. Ouais, non, ben ça, je l'ai dit l'autre jour, l'âge. Mais pourtant, j'avais un doute. Alors, ou alors c'est en... Le matin. Ouais. Turbo Jengend. Turbo Jengend. Turbo Jengend. Ah, bah... C'est ça. Ben alors, 2016, Turbo Negro, je les ai vus. Non, mais après... Ben voilà, un concert qui avait lieu sur la main stage 2. La première fois, je les ai vus en main stage, et la deuxième fois en Warzone. Ah oui, voilà, d'accord. Ah oui, donc t'avais raison, en fait. T'es pas si vieux, pas si fou. Ouais, donc, et comme je te le disais, et ben, en fait, le fait qu'ils aient des costumes sur scène, parce qu'en fait, il y a un truc à la base, c'est qu'eux, ils étaient un peu dans le punk et un peu dans la bagarre, un petit peu dans toute cette mouvance-là, quand même. Ils ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'embrouilles, beaucoup de choses, quoi, qu'ont fait qu'ils... Bah, en même temps, ça m'étonne pas, parce qu'ils ont l'air de jouer la provocation souvent. Voilà. Hein. Ben c'est ça, en fait. Pour s'appeler comme ça de base et pour jamais avoir changé. Je crois juste que si j'avais lu aussi que leur premier EP ou album, ils avaient pas mis Turbo Negro, ils avaient juste mis les consonnes, en fait. Ah bon? Ouais. Ah, c'est possible. Non, mais là, tu vois, tu t'es beaucoup plus renseigné que moi. Et ce qui est pratique, vu que du coup, j'ai pas toutes les infos. Mais ouais, non, t'as peut-être raison, mais il y a beaucoup de choses à dire sur le groupe, parce que forcément, depuis 88. Ça date, Il y a eu beaucoup d'histoires. Le seul truc que je peux vous garantir, c'est que pour les arrivées, bon, je les ai vus en 2018, donc ça commence un petit peu à remonter. Oui. Mais à l'époque, parce qu'aussi les membres se sont quand même pas mal renouvelés, il y a vraiment une ambiance de malade. C'est vraiment un truc festif de ouf. C'est sûr, c'est ce qui s'entend tout de suite. Ouais, et vraiment, il y a une ambiance à la cool, quoi. T'as vraiment, eux, ils ont leur look. Eux, ils ont leur côté un peu décalé, mais musicalement, comme ça on voit, eh ben, il y a tout ce truc-là qui fait que... En fait, tu vois, par exemple, si je devais faire un truc, on a souvent parlé dans le podcast des groupes pour faire la fête et tout, et que moi, j'étais le dernier client de ça. Ça, Turbo Negro, c'est le groupe que j'écoute et qui ferait pour faire la fête, ça serait celui-là. Ah oui, c'est mon groupe pour faire la fête, tu vois, moi, d'accord. C'est celui-là. Parce que ça fonctionne toujours, parce qu'il y a une vraie bonne ambiance, et ça fait partie des groupes, c'est toujours un plaisir d'aller voir, quoi. Ouais, et puis ça sonne aussi positif. Je trouve, il y a une certaine cool attitude, parce que ça sonne la bagarre quand même, mais je trouve que ça s'entend le côté. La bagarre joviale, peut-être. Voilà. La bagarre joviale, c'est ça. La bagarre. Je t'en colle une, excuse-moi, je te paye une mousse, bim. Ouais. Ah, on est con, c'est fait mal, allez, viens, tu vois, c'est ce genre de truc, ouais. C'est à qui ça, Chico? C'est un peu cette idée-là, ouais. Mais il y a un truc, c'est en plus le fait qu'ils ont une chorégraphie sur scène, mais ils ont une façon d'être sur scène. Scénographie un peu quand même. Mais deux seulement eux. Ouais, la scénographie, c'est de leur costume et de leur attitude. Voilà, c'est ça. Okay. Et ça marche franchement super bien, tu vois. Ils sont tous, parce qu'on n'est pas non plus sur de la grande technicité musicale, on est sur un truc qui rentre dedans direct, brut, mais qui fonctionne de malade ouf. Ouais, qui est bien fait quand même. Oh oui, Non, c'est très des, bien c'est fait. C'est pas des petits joueurs, les non, gars. Non, c'est pas ce que oui, je veux dire, mais tu vois, c'est oui, pas. On est pas sur du matcore bien technique, non. On n'est pas là pour ça. On n'est pas du tout là pour flamber, ça. On non. est là pour s'amuser, partager un bon moment. À l'ancienne. À l'ancienne. Ouais, vraiment bien. Ouais, on est large. On est tellement large. On est large. Mais du coup, t'as écouté beaucoup d'albums de Turbo Negro? J'ai écouté pas mal. Mais en fait, Turbo Negro, j'ai surtout lu. J'ai lu un peu. Oui. Ouais. Ben, parce que quoi, en fait, parce qu'il a bougé sa main de gauche à droite là, comme s'il tournait une page. Non, comme si je slidais de titre. Ah, d'accord. Tu vois, okay, parce que okay. J'ai survolé un petit peu sur le tas et c'est le dernier groupe que j'ai écouté et j'ai vu qu'il y avait beaucoup à écouter. Et j'ai vu aussi que, il y avait quelques petits virages, un petit virage. Tu reconnais les Turbo Negro à la longue, mais il y avait des petits virages de temps en temps. Il y avait, des petits changements, des petites adaptations que tu pouvais ne pas avoir forcément entendu sur tous les albums ou peut-être les époques aussi parce que bon peut-être, après ça c'est la logique hein. Je pense que c'était peut-être un peu plus punk, c'est devenu un petit peu plus heavy rock, je sais pas comment c'est ce que ça à mon oreille c'est ce que j'entendais tu vois mais voilà moi ce que j'en tire c'est vraiment le côté la fête, le côté décalage et c'est plutôt cool et c'est là où je me suis quand même aperçu que tu vois ça tu vois tu as dit toi ça c'est mon groupe pour faire la fête et tu vois moi c'est vraiment le groupe où quand j'ai à force d'entendre je me dis non mais ça je l'écouterai peut-être pas tout le temps par contre je veux faire la fête ou partager un moment festif tout machin j'en mets direct quoi et il y a un petit truc qu'on peut dire c'est que leur dernier album en fait ils ont eu beaucoup de sorties d'albums au début de leur carrière c'est genre un album 92 93 94 96 98 après 2003 2005 2007 ça s'est passé un peu plus 2012 et le dernier en date 2018 est... 2018 ce qui me laisse supposer qu'il y a peut-être une chance quand même à un moment donné parce qu'il y a eu deux compilations en 2001 et 2005 mais je serais pas surpris quand même parce que 2018 ça commence à pas mal remonter. Je serais pas surpris qu'il y ait à un moment donné une sortie d'album, pourquoi pas cette année non plus. J'ai pas cherché là-dessus de ce côté-là, mais ça pourrait, pourquoi pas, venir justement ramener sur un peu de nouveaux matos de Turbo Negro afin de pas de forcément de justifier cette nouvelle tournée, mais pourquoi pas. Et pendant pendant que tu retournes un peu sur ton côté festif que tu disais, je vais regarder. Vas-y, vas-y. Mais donc, mine de rien, si, j'ai quand même écouté pas mal. Hein. J'ai écouté, le premier, je l'ai survolé un peu. Never is Forever, j'ai écouté. C'est vraiment celui que j'ai, qui était un peu plus punk. Okay. Je suis pas trop rentré dans le côté festif, un peu moins, j'ai trouvé. Après, je suis passé sur Apocalypse Dude. Non, mais je pense que j'en ai loupé quelques-uns ou qui devaient déjà avoir cette recette bien festive. Et, et à partir de là, de toute façon, c'est le délire, quoi. Déjà, même les pochettes sont décalées. Tu vois, c'est quoi c'est sexual harassment, qui est un espèce de képi nazi, mais fluoté, limite, tu sais, t'imagines trop le nazi en cuir, en culotte de cuir. Tu vois, un truc un peu décalé, chelou. Non, mais après, bonne surprise, hein, franchement. Et ben, Rock'n'Roll Machine, c'est ça le dernier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas mal, celui-là aussi. Ah ouais, il est très, très bien. Ouais, très il est bien, c'est moderne et tout. Mais toujours avec cette touche Turbo Negro qui... Ouais, c'est ça. C'est encore une recette qui match et qui lâche pas aussi hein. Ouais, non mais c'est sûr. Après c'est vrai que je l'ai pas dit mais ils sont 1 2 3 4 5, ils sont quand même 6 musiciens sur scène. Donc ça joue quoi, le clavier, le chant, guitariste, celui-là avec Kepi fluo. Non mais donc du coup pour toi c'était une totale découverte. Ouais, complètement. Complètement. Et je connaissais pas du tout, hein, Turbo Negro, que dalle. Ouais, tu vois. Ça faisait rien du tout, Donc, tu vois, là, on est encore sur pas mal de bonnes découvertes. Découvertes. Mais tu vois, après, voilà, c'est ça. C'est celui-là, dans mon coin, je vais pas l'écouter. Non, tu le mettras pas en solo. Moi, je suis plus des trucs. Genre, par exemple, pour faire de la peinture, tu le mettrais pas? Non, ça, c'est vraiment un truc, que tu sais que tu vas aller guincher, quoi. C'est ça. C'est clair. Non, puis c'est clairement une bonne ambiance. Tu peux que passer un bon moment, j'imagine. Pour peu que tu sois bien accompagné de tes potes. Et puis voilà, c'est foutu, c'est trop bien quoi. Un petit piché et puis la fête est belle. Un petit piché chacun. Oh, quand même, tu y vas fort. Tiens. Et donc du coup, Turbo Negro, tu vas aller voir ou tu vas pas aller voir? Alors Turbo Negro, je pourrais suivre dans le sens où D'accord. Tout seul. Moi, si je dois aller faire la fête, c'est pas trop tout seul. Non. J'aime bien partager, tu vois, tout seul, je vais plutôt être là. Ouais, c'est sympa, musicalement, mais je suis personne pour checker. Et là, les gens, ils voient, ils me prennent avec comme toi, ça, et là, c'est parti. Allez, c'est sympa, les gars. Ouais. Hop. Oui, il y a moyen de se faire des copains vite fait. Hein. Ah, vite fait, très vite fait. Donc ça serait pas non quand même, ça serait aller faire un tour. Par contre, si on doit suivre, c'est un gros oui, tu vois là. D'accord. Oui, je la vois complètement, tout à fait. Ouais, c'est le côté pourquoi pas? Moi j'y vais. Bah je suis avec vous les gars. Oui, alors là plutôt deux fois qu'une même. Ouais, OK, très carrément. Bien. Et ben moi ça serait avec plaisir que je retournerai les voir vraiment. Je pense que c'est pas forcément un groupe que je verrai encore beaucoup de fois, mais si à l'occasion et qu'en face il y a rien qui peut me convaincre, ce serait avec plaisir d'aller guincher là-bas parce que c'est mon groupe pour faire la fête. Bah tiens, excellent. Écoute Tenaille, ouais, merci beaucoup. Bah merci à toi, c'était une semaine sympathique. Eh ben je suis content, espérons que la prochaine le soit tout autant. Ah bah oui, j'espère aussi. Merci beaucoup Tenaille, aux prochaines fois. Merci à toi. Au revoir les gens. Ciao ciao. Bon week-end hein.